Texte de Anne-Lucie Dumais. Ici, d'abord, vous allez perdre. Je ne vous donnerai rien. Car suivre vos caprices ne m'intéresse pas. Car vos caprices sont d'une pauvreté contre nature, contre le mouvement naturel de la vie. Et c'est ce qui crée votre fatigue et votre souffrance de votre fatigue. Restons voisins si nos partages se font sous conditions, si nous fonctionnons par échanges et services donnés et rendus. Moi, je n'existe pas sans nous. Mon accomplissement personnel n'existe pas, car je ne peux pas séparer ce qui m'est personnel du reste du monde. Je ne peux rien séparer. Je ne peux vous chasser de chez moi, terre. Je ne peux que constater vos venues et vos départs, votre expression et votre silence. Vous ne pouvez pas espérer que le monde s'occupera de votre intérêt personnel, car le monde n'a rien de personnel. Le monde est beaucoup plus riche que ça. Quelle est votre mission sur cette terre? La mienne, c'est d'accompagner les vôtres.